Désordonné, mes nerfs ont dû lâcher. Mes veines sont pas à boire, ton game j'ai dû saigner. Mon insolence a frié, t'as fait le saut de l'ange, t'as crié. T'as imploré le démon, aujourd'hui tu voudrais prier. Désordonné, mes nerfs ont dû lâcher. Mes veines sont pas à boire, ton game j'ai dû saigner. Mon insolence a frié, t'as fait le saut de l'ange, t'as crié. T'as imploré le démon, aujourd'hui tu voudrais prier. Le monde veut rouler en gros fer. Combien veulent le faire, non pas la manière. Muscle tes dorsaux pour une grosse carrière. Les femmes le pèsent, en vérité m'a pas l'air. Je m'étouffe avec ce beat et je manque pas d'air. Fuck tes barrières, j'avance avec la bénédiction du pater. J'ai commencé le rap avec le moral par terre. Zéro, zéro partenaire, négro, négro, vénère. En vrai, je suis déjà mort, moi, j'ai voulu sous terre. Conditionne des 16, volcanique et matière. Inspire vertigineuse, Léo m'attire. Ma plume est flexible, donc s'attire. Corde vocale qui sature. Toujours cette envie de poser dark pourvu que ça dure. J'avance les yeux fermés, la lumière éclaire mon futur. J'ai noyé le corbeau dans la rivière, une âme est ressortie pure. Ma bouche, mon mic est le binôme de tes fractures. Un ange sur chaque épaule, puissante est mon armure. Désordonné, mes nerfs ont dû lâcher. Mes veines sont pas à boire, ton game j'ai dû saigner. Mon insolence a frié, t'as fait le saut de l'ange, t'as crié. T'as imploré le démon, aujourd'hui tu voudrais prier. Désordonné, ont dû lâcher, mes veines sont pas à boire, ton game j'ai dû saigner, mon insolence a frié, t'as fait le saut de l'ange, t'as crié, t'as imploré le démon, aujourd'hui tu voudrais prier. Mais de lianes et de racines, Madine la cour, mes ancêtres m'entourent, ça taffe sec, je prends mon tour, pas là avec personne, ce son c'est la guerre, je suis pas le fils des bras, j'ai connu le ballon pour une insulte, on peut couper le bras. Parlez-moi pas en négro, comment je m'en bats les steaks, marmot du ciment, vérité, ça sort pas des steaks. 9-4 pour la naissance, 8-5 pour l'adolescence, 9-7 tout prend son sens, en 4-4 sur la fournaise. Danse avec le feu, j'rappe avec la braise, j'rappe pas pour la baisse dans leur buzz négro. Ça sent la sodomie, très calme comme l'endormi. Depuis quand les poules veulent jouer les coqs, y'a que des Tommy. Ça joue les Tony, Mani, Mani, le mic, fracasse leur tube, juste animal. J'allie le mic, flow machiavélique, écoute la prochial. Ses vers sont les punchlines, fait pour et sac les pas contents. Déterre et cannibale, cousin, j'ai pas ton temps. Désordonné, mes nerfs ont dû lâcher. Mes veines sont pas à boire, ton game j'ai dû saigner. Mon insolence a frié, t'as fait le saut de l'ange, t'as crié. T'as imploré le démon, aujourd'hui tu voudrais prier. Désordonné, mes nerfs ont dû lâcher. Mes veines sont pas à boire, ton game j'ai dû saigner. Mon insolence a frié, t'as fait le saut de l'ange, t'as crié. T'as imploré le démon, aujourd'hui tu voudrais prier.